Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une émission pleine d'harmonie et de mélodie que nous propose Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je le disais à l'instant à Wendy, je suis heureux de recevoir Alain Duhau pour évoquer avec lui l'un de nos grands compositeurs contemporains, Maurice Ravel. Et pour nous mettre en train, je vous propose de revivre la création de ce que Ravel aura composé de plus célèbre, à défaut d'être son œuvre préférée, c'est bien sûr le Boléro. Et puis à la fin de l'émission, Franck Ferrand vous répondra à la question que vous pose Séverine via la page Facebook de Au cœur de l'histoire. Séverine voudrait connaître l'origine de l'expression « passer l'arme à gauche ». Ben on a connu des questions plus joyeuses. Bon, on devrait en faire un jeu, vous savez, ce serait à celui qui trouverait le premier la réponse. Pourquoi pas, ça peut donner des idées. Bon, pour le moment, place à la musique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors si parmi vous il y en a qui ignorent encore ce qu'est le boléro, eh bien c'est ça évidemment. C'est un peu, évidemment, il y a quand même un côté assez entêtant dans tout ça. D'ailleurs, Ravel lui-même disait que ce boléro devrait porter en exergue la formule « Enfoncez-vous bien cela dans la tête ». Alors comment est né ce chef-d'œuvre singulier que Ravel disait considérer comme une simple étude d'orchestration et qui a fait l'objet dès sa création d'une très large diffusion au point de devenir une des œuvres musicales actuellement encore les plus jouées dans le monde? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au moment de la création du boléro, Ravel a déjà 53 ans. Il était né en 75. Il était né en 1875 tout près de Saint-Jean-de-Luz à Cibourg. On est dans les Pyrénées-Atlantiques. Sa mère, d'ailleurs, était basque. Ça va jouer un rôle, ça. On y reviendra tout à l'heure avec Alain Duhau. Le père, lui, est d'une autre région. Il est d'origine savoyarde. Il est des Alpes. Le petit Maurice Ravel, disons-le, est une sorte de petit prince. Et d'ailleurs, il a son frère, son petit frère, Édouard. Sont deux enfants qui sont choyés, littéralement. Maurice a 3 ans lorsque ses parents s'installent à Paris. Son père est un ingénieur, mais ça fait partie, vous savez, faut bien se remettre dans le contexte. On est dans ces débuts de la Troisième République avec cette période où les ingénieurs sont encore des artistes, quasiment. En tout cas, de grands amateurs, amoureux d'art. On est dans un milieu très... une sorte de bouillon de culture, comme ça. Et évidemment, le petit va être porté, poussé. Il commence à étudier le piano à l'âge de 6 ans. Il montre tout de suite des dispositions assez extraordinaires. Et il a 14 ans, 89, lorsqu'il entre au Conservatoire de musique de Paris, avec, au-delà de la facilité évidente, et même assez époustouflante, disons-le, avec aussi une forme d'originalité qui, d'emblée, s'impose à l'oreille de ceux qui l'écoutent, et aussi va lui créer des ennemis, il faut bien le dire. Vous savez, quand on est trop original, trop différent, on n'est pas forcément bien accepté. Alors, ses premières compositions, Ballade de la reine morte d'aimer en 94, la sérénade grotesque qui va faire un petit peu de bruit, le menuet antique, etc. Ou encore les deux sites auriculaires pour deux pianos, dont la Banera est de 1895 et Entre cloches en 1897. Tout ça témoigne, tout ça participe d'une forme d'indépendance musicale qui s'affirme donc, vous voyez, dès les toutes premières années. Alors à la fin de ses études, Ravel compose une ouverture symphonique pour un projet d'opéra, c'est Scheherazade, ce sera la célèbre pavane pour une infante défunte, on en entendra quelques mesures tout à l'heure. On est là vraiment au tournant du XXe siècle, le jeune Ravel, on peut le dire, est déjà reconnu, ses œuvres sont appréciées mais discutées, vous l'aurez compris. Et pour autant, ce qui est étrange, c'est qu'on va lui refuser un certain nombre de reconnaissances. Et notamment, ça c'est une histoire incroyable, il n'arrive pas à obtenir le prix de Rome. Il va postuler 5 fois entre 1900 et 1905. À sa première candidature, il a 25 ans, donc on est en 1900. Son but, c'est évidemment de gagner un peu d'argent, disons-le, de s'assurer une position en quelque sorte. Mais il ne va pas pouvoir passer l'épreuve préliminaire. Il va devoir renoncer à composer la cantate, qui est le morceau de bravoure, si vous voulez. L'année d'après, en 1901, Ravel arrive certes en finale, mais il se voit attribuer un deuxième second prix. Vous avouerez que pour l'ego, on a connu mieux. Alors c'est vrai qu'on dit que Massenet, depuis le début, a voté pour lui. C'est vrai qu'il a retenu l'attention de Camille Saint-Saëns. Alors bon, bien sûr, Massenet, Saint-Saëns sont les très grands, sont les gloires musicales du temps. Mais ça ne remplace pas le prix de Rome lui-même. Ravel se dit la troisième fois, alors là ça va marcher, je suis évidemment le mieux placé. Eh bien pas du tout, ça ne marche pas non plus, et en 1903 non plus du reste. Il faut dire que là cette fois il reconnaît lui-même avoir un petit peu bâclé le travail, et il va renoncer à passer le concours en 1904. Seulement son professeur, qui n'est pas n'importe qui non plus, c'est Gabriel Fauré, vous imaginez les personnalités qu'on évoque. C'est assez étonnant de voir à quel sommet s'était hissée l'école française de musique dans ces années 1900, avec, je citais Massenet, Saint-Saëns, Fauré, on peut en citer d'autres bien entendu, on avait beaucoup de grands compositeurs à cette époque. Et donc, en 1904, Fauré le convainc de retenter sa chance l'année suivante. Alors, il vient de s'imposer à l'époque comme un des musiciens les plus importants de sa génération, il vient de composer Miroir. C'est un maître, si vous voulez. Il est convaincu que tout va bien se passer. Eh bien non, de nouveau, il n'est pas admis à l'épreuve de cantate. Et ça, ça fait un véritable scandale. On appelle ça d'ailleurs l'affaire Ravel. Ça va coûter son poste au patron du conservatoire, hein, Théodore Dubois. Et Catherine Scholler raconte que, je cite, « Parmi les voix qui s'élevèrent alors contre l'iniquité de la décision du jury, la plus prestigieuse était celle de Romain Rolland qui écrivit « Je ne conçois pas que l'on s'obstine à garder l'école de Rome si c'est pour en fermer les portes aux rares artistes qui ont en eux quelque originalité. » Vous voyez bien qu'on y revient et qu'on y reviendra sans cesse. Ce qui, en quelque sorte, pose problème avec Ravel, c'est cette terrible originalité. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck, vous nous emmenez sur les pas de Maurice Ravel et son célèbre Boléro. Alors vous avez bien compris que Maurice Ravel a eu du mal à s'imposer. Pas moyen de décrocher ce fameux prix de Rome, c'est assez terrible. Ça ne l'empêche pas de composer énormément. Il est très prolifique. Entre 1901 et 1908, il va livrer notamment son grand chef-d'œuvre pianistique, Gaspard de la Nuit. C'est évidemment c'est fondamental, inspiré du recueil d'Aloysius Bertrand, bien entendu. Et en avril 1909, il va découvrir, ou comme bien d'autres créateurs avant lui, il va apprendre que nul n'est prophète en son pays, puisqu'il découvre qu'il est carrément très populaire outre-Manche. Figurez-vous que Londres lui fait un véritable accueil pour sa première grande tournée de concerts, et ça lui donne à réfléchir. Et l'année suivante, en rentrant à Paris, il va fonder l'ASMI, la Société Musicale Indépendante. Ça n'est pas un hasard. Rappelez-vous ce qui s'était passé 20 ans plus tôt avec les impressionnistes, avec les peintres impressionnistes. Il avait fallu créer un salon des indépendants. Eh bien là, c'est la même histoire. Si l'originalité musicale ne paie pas, alors il faut peut-être que les originaux se retrouvent entre eux. C'est ça, d'une certaine manière. Ne vous y trompez pas, Maurice Ravel est vraiment célèbre à l'époque. On est dans les balbutiements de la Première Guerre mondiale. On est il y a 100 ans, finalement. Alors, cette guerre, évidemment, au moment où elle éclate, Ravel est en pleine composition de son trio en la mineure, qui sera finalement créé en 1915. Or, dès le début, début du conflit, il veut s'engager. Et en 15 notamment, lorsque se crée cette espèce de cavalerie moderne ou même futuriste qu'on va appeler bientôt l'aviation, il veut en être. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à devenir pilote parce qu'il est un peu trop léger, Maurice Ravel. Quand je dis un peu trop léger, c'est 2,5 kg seulement, vous voyez, donc c'est vraiment... Ben oui, mais c'est... Vous savez ce que sont les règlements militaires, hein. Voilà, il n'a pas le poids. Il fait pas le poids, c'est vraiment le cas de le dire. Alors, il va quand même réussir à se faire engager en mars 1916 comme chauffeur de camion militaire. Il sera démobilisé en mars 17 après une opération due à une péritonite. Mais elle n'est pas venue par hasard, cette péritonite. C'est un moment pour lui extrêmement dur. C'est un moment même de profonde dépression, puisque 2 mois plus tôt est morte sa mère. Et ça, ça a vraiment plongé Ravel dans un tourment qui n'a rien à voir avec le tourment de la Première Guerre mondiale pour lui. C'est beaucoup plus fort. Le rapport de ce compositeur à sa mère est une chose essentielle. Et ça, bien sûr, nous allons y revenir tout à l'heure avec Alain Duhau. Alors, après la mort de Debussy en 18, on peut dire que Ravel, ça laisse le champ libre d'une certaine manière. Ravel devient le grand compositeur vivant. En 1921, il a acheté une maison qu'on peut voir encore dans un très charmant village, Montfort-l'Amaury. Vous savez, on est vraiment aux limites là-bas des Yvelines. C'est dans cette maison qui s'appelle le Belvédère qu'il va concevoir la plupart de ses dernières grandes œuvres. Il est devenu très célèbre. Faut vous dire que il le compose pour les sommités de l'époque. Je pense à la valse, par exemple, qui a été faite pour Serge de Diaghilev et pour les ballets russes. Et nous arrivons à cette fameuse année 1928 que je pointais du doigt tout à l'heure. C'est l'année de la composition, donc de ce fameux boléro. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un boléro? D'abord, au départ, c'est une danse noble espagnole à 3 temps. Qui était apparu à la fin du XVIIIe siècle, quelque chose qui peut faire penser un peu à la valse, d'ailleurs, dans son rythme ternaire. Ça a été repris en musique classique comme une sorte de référence pour toutes les musiques d'accompagnement de ballet, notamment les musiques, on pourrait dire, populaires, si vous voulez. Le compositeur donne plus de détails quant à la genèse de son boléro. Voilà ce qu'il dira lui-même, Maurice Ravel. « En 1928, écrit-il, sur la demande de Madame Rubinstein, Madame Rubinstein, c'est Ida Rubinstein, bien entendu, la très grande, la diva, la danseuse. À la demande de Madame Rubinstein, j'ai composé un boléro pour orchestre. C'est une danse d'un mouvement très modéré et constamment uniforme, tant, c'est le moins qu'on puisse dire, tant par la mélodie que par l'harmonie et le rythme, ce dernier marqué sans cesse par le tambour. Le seul élément de diversité y est apporté par le crescendo orchestral. » Et ne nous y trompons pas, ce qui nous fascine dans le boléro, ce qui a assuré la réputation planétaire d'une œuvre comme celle-là, c'est précisément cette espèce de montée en puissance. On a l'impression d'une sorte de moteur qui ne passerait jamais la deuxième vitesse, si je puis dire. C'est, ça monte, ça prend de l'ampleur, ça se nourrit, ça se développe, ça explose. C'est assez... C'est assez entêtant de ce point de vue. Marcel Marna raconte que c'est un projet un peu oublié qui va précipiter les choses, leur donner un sens imprévu. Dès avant le départ pour l'Amérique, Ida Rubinstein avait contacté Ravel pour en obtenir un ballet de caractère espagnol qui serait intitulé Fandango. Rapidement, l'un et l'autre s'étaient entendus pour assembler au gré du compositeur 6 transcriptions pour orchestre de Liberia d'Albéniz. Rappelé à cet engagement, nous dit-il, Ravel entreprend au début de l'année 28 une orchestration de la Rondena. Mais ça se passe pas comme c'était prévu. C'est souvent le cas. Vous savez, on dit que les très grandes recettes de cuisine sont nées de distraction de la part du chef, ou d'erreur. Eh bien là, c'est un petit peu ça. Il se trouve qu'à la fin du mois de juin, le pianiste Joaquin Nin fait remarquer à Ravel, ils sont en train de rouler vers Saint-Jean-de-Luz en voiture, il lui fait remarquer que le projet n'est pas viable parce que les fameuses pièces d'Albéniz, elles sont déjà en cours d'orchestration. Il y a quelqu'un qui est en train de les orchestrer, c'est le chef d'orchestre espagnol Enrique Arbos, qui a décidé d'en faire un ballet, donc il pourra pas s'en servir. Et effectivement, personne à part Arbos ne peut s'attaquer aux Iberia d'Albéniz. Le ballet, comme le scénario et la musique, sont protégés, tout simplement. Alors, évidemment, Ravel est pour le moins embarrassé. Et Arbos va d'ailleurs proposer de lui céder gracieusement ses droits sur Iberia. Mais non, il est déjà ailleurs. Nous allons voir à quel point il y a un côté, une sorte d'espèce d'énergie sautillante, bondissante hein, chez cet homme qui est déjà sur autre chose. Il a eu l'idée d'en profiter de cette espèce d'impossibilité pour créer une œuvre expérimentale, quelque chose de, comment dire, quelque chose qu'on n'aurait jamais tenté. Pas de forme proprement dite, nous dit Nine, pas de développement, pas ou presque de modulation. Un thème, genre Padilla, du rythme et de l'orchestre. S'il y a finalement un mot à retenir lorsqu'on parle de boléro, c'est bien celui d'orchestre et d'orchestration. Tout est là, tout est dans, en quelque sorte, tout est dans l'interprétation. C'est ce qui fait peut-être de l'œuvre une sorte de happening d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier qu'on est en 28, ce n'est pas un hasard. Alors à la fin du mois de juillet, le temps commence à presser. Le ballet doit être créé là, à l'automne suivant. Ravel est rentré à Paris un petit peu avant le 14 juillet et il confie à Ida Rubinstein, après tout, j'aurais plus vite fait d'orchestrer ma musique que celle des autres. Dès lors, nous dit Marna, dans un ouvrage qui s'appelle Maurice Ravel, l'idée de ce qui deviendra le boléro s'affirme cohérente, fulgurante, suicidaire. Ramener la musique tonale avant ce point de départ, avant toute syntaxe, mais en lui ajoutant la durée, cette durée que justement seule l'élaboration avait semblé permettre, une durée qui devra juste effleurer la lassitude. Ben oui, de temps en temps, on se prend à amorcer un léger bâillement en écoutant le boléro. Et puis non, parce qu'on est toujours pris justement par cette espèce de montée en puissance. Sans autre nuance qu'un imperceptible crescendo, Ravel va donc répéter 8 fois, vous imaginez, 8 fois un thème et un contre-thème qui au demeurant sont peu différenciés, chacun étant présenté 2 fois de suite, sauf à la fin où l'un et l'autre sont donnés sans être redoublés. Au total, 18 entrées séparées par 2 mesures de batterie chaque fois. C'est simple hein, comme composition. Rythme et vitesse restant les mêmes. C'est important la vitesse parce que vous vous rappelez l'histoire, je vais vous raconter ça dans un instant, l'histoire avec Toscanini. Rythme et vitesse restant les mêmes, le seul élément introduisant l'idée dramaturgique d'une évolution sera la lente amplification du niveau sonore et la masse orchestrale en mouvement, puisque de plus en plus d'instrumentistes jouent de plus en plus fort. L'œuvre, qui dure une bonne 15 minutes, est créée à l'Opéra de Paris dans sa version ballet le 22 novembre 1928. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et Franck Ferrand, aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire de Maurice Ravel et son boléro. Oui, alors justement, je voulais vous raconter cette anecdote avec Toscanini. Vous savez, on est en mai 1930, le plus grand chef du monde, une sorte de géant. Hein. Bien sûr, Toscanini est là pour jouer le boléro et il le joue 2 fois plus vite que nécessaire, en tout cas qu'indiqué selon les préconisations de Ravel. Et Toscanini dit à Ravel, vous ne comprenez rien à votre musique, elle sera sans effet si je ne la joue pas à ma manière. À quoi Ravel répond, eh bien dans ce cas, ne la jouez pas. Alors on dit que par la suite les deux musiciens se sont réconciliés, mais enfin, Ravel écrira tout de même, je dois dire que le boléro est rarement dirigé comme je pense qu'il devrait l'être. Mengelberg accélère et ralentit ensuite excessivement. Toscanini le dirige 2 fois plus vite qu'il ne faut et élargit le mouvement à la fin, ce qui n'est indiqué nulle part. Non, non, le boléro doit être exécuté à un tempo unique du début à la fin, dans le style plaintif et monotone des mélodies arabo-espagnoles, et pour cause, hein, rappelez-vous l'origine de ça, les virtuoses sont incorrigibles, plongés dans leur rêverie comme si les compositeurs n'existaient pas. Ah, mais néanmoins, ce boléro, il va très vite rencontrer le succès extraordinaire, encore une fois, qui ne s'est jamais démenti par la suite. Ravel, de son côté, était loin de le trouver parfait, ce morceau, vous savez. Il a plusieurs fois ressenti le besoin de préciser ses intentions quant à la signification de son œuvre. Voilà ce qu'il nous dit, par exemple. « Je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce travail. Il s'agit d'une expérience d'un type très particulier. Avant sa première représentation, j'avais prévenu que ce morceau de 17 minutes n'était constitué que d'un unique et long crescendo ininterrompu. Il n'y a pas de contraste et pratiquement pas d'innovation à l'exception de la structure et du mode d'exécution. L'écriture orchestrale est simple et direct du début à la fin, sans la moindre recherche de virtuosité. C'est ça le problème, en quelque sorte. J'ai fait exactement ce que je voulais faire, et pour les auditeurs, c'est à prendre ou à laisser. On est dans une démarche qui, déjà, annonce, amorce la démarche qui sera celle d'un certain nombre de compositeurs bien plus contemporains. Là aussi, nous allons avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je compose, je crée, j'innove, et après c'est à prendre ou à laisser. Inutile de vous dire que plus les décennies passeront et plus seront nombreux ceux qui laissent au passage, évidemment. Alors, il y a des gens qui ont apprécié, hein. C'est Aloysius Bertrand justement qui disait « Cette terre eut délié les jambes d'un paralytique ». Quant à Villermoz, le compositeur, il déclare « L'homme de la rue se donne la satisfaction de siffler les premières mesures du boléro ». Mais bien peu de musiciens professionnels sont capables de reproduire de mémoire, sans une faute de solfège, la phrase entière qui obéit à de sournoises et savantes coquetteries. Ah ben oui, tout de même, le diable, n'est-ce pas, se niche souvent dans les détails. Alors l'histoire voudrait que, au moment d'une des toutes premières représentations du boléro, une vieille dame outrée se soit levée et criée « Oh fou, oh fou !» Et Ravel, en apprenant l'anecdote, aurait dit « Ah, eh bien celle-là, vous voyez, elle a compris !» Dans La chimie de nos émotions, Sébastien Boller raconte qu'il y a quelques années, des neurologues du centre Paul Broca à Paris ont examiné en détail tous les documents traitant d'une éventuelle maladie dont aurait pu souffrir Ravel à la fin de sa vie lorsqu'il a composé le boléro. Ravel aurait été atteint, pour des raisons mystérieuses, de lésions de l'hémisphère gauche du cerveau. Or, la conception et la perception des mélodies sont précisément réalisées par l'hémisphère gauche, alors que la perception des timbres est prise en charge par l'hémisphère droit. Ainsi, Ravel aurait-il pu se trouver dans l'incapacité d'innover en termes de mélodie au moment où il composa le boléro? Bon, ben voilà une thèse parmi d'autres. On a presque envie là aussi de crier comme la vieille dame au moment de la représentation « Au fou !» Au fou. Alors on ne sait pas vraiment de quand dataient les fameuses lésions dont il parle, mais en tout cas tout le monde s'accorde à dire que l'accident de voiture dont Maurice Ravel a été victime le 8 octobre 1932 a marqué, alors là oui, un tournant dans son existence. C'était le point de départ de cette maladie neurologique qui va plus tard causer sa mort et le contraindre au silence pendant les 4 dernières années de sa vie, puisqu'il n'est mort, Maurice Ravel, quand, si je puis dire, quand 1937, à la fin de l'année 37, le 28 décembre exactement. Il a quand même eu le temps de concevoir ses deux grands derniers chefs-d'œuvre, le concerto pour la main gauche et le concerto en sol, dont nous entendrons tout à l'heure quelques mesures. Est-ce qu'on peut dire que le boléro est l'œuvre d'un fou, pour reprendre le terme tout simple de la vieille dame? Toujours est-il que jusqu'en 1993, il est resté à la première place du classement de la SACEM. Vous imaginez ça quand même, c'est complètement incroyable. Ce boléro aura connu un succès quasiment sans équivalent. Et en 2005, c'était encore la 5e œuvre musicale française non tombée dans le domaine public, la plus exportée. Elle rapporterait chaque année environ 1,5 million d'euros de droits. Bonjour Alain Duhaut. Bonjour Franck. Pardon de terminer sur ces considérations parfaitement matérialistes, mais nous allons voir que chez Ravel, il y avait un peu de matérialisme aussi. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire consacrée à l'histoire de Maurice Ravel aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez Alain Duhaut, écrivain, musicologue et auteur notamment de Bach à Ravel, 20 interviews exclusives aux éditions Plomb en novembre 2013. Aux éditions Plomb, en coédition avec Radio Classique, cet ouvrage d'Alain Duhaut, donc ces 20 interviews exclusives, vous avez sacrifié, Alain, à un genre que je trouve délectable, qui est d'interviewer, d'imaginer les interviews de personnalités. On aurait presque pu dire que pour Ravel, comme il a quand même vécu une grande partie de sa vie dans le 20e siècle, ça nous paraît moins surréaliste, évidemment, que quand vous allez rencontrer Maître Bach. Ça, c'est plus étonnant, évidemment. Alors, vous le faites parler et vous lui faites dire des choses magnifiques, notamment concernant ce fameux boléro. Pour dire la vérité, vous dit, puisque c'est quand même une interview exclusive, je le précise. Tout à fait. Pour dire la vérité, je ne crois guère à la postérité de cette pièce et si je viens de la diriger au concert L'Amoureux le 11 janvier dernier, effet de mode bien passager, voilà pourtant un morceau que les grands concerts du dimanche n'auront jamais le front d'inscrire à leur programme, vous a dit Ravel. Qui sait ? Répondez-vous prudemment. Mais je voudrais quand même que vous reveniez sur l'architecture de cette œuvre si étrange, presque fatale. Pourquoi fatale ? demande Ravel. Et moi, je vous pose la question, Alain Duhaut, pourquoi fatale ? Pourquoi fatale ? Parce que, vous l'avez bien décrite, c'est une œuvre qui monte, monte, monte. Et en fait, C'est une métaphore sexuelle, cette œuvre. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le désir monte en permanence avec toutes ces entrées successives. C'est cette, au fond, cette sorte de fascination de ce rythme et de cette musique qui va aboutir sur l'explosion finale, c'est-à-dire l'orgasme. Mais voilà. Et en fait, il y a quelque chose finalement, de sexuel vous avez qui fascine tout le monde. Mot que moi j'ai renoncé à prononcer pendant une demi-heure, mais qui explique évidemment la célébrité de cette œuvre. Vous avez attendu une demi-heure, Ravel, précisément 17 minutes. Finalement, je suis plutôt content. Donc c'est peut-être le secret, effectivement. Bien sûr, c'est avec... ce qui fascine, c'est qu'on est emporté par cette montée de désir jusqu'à ce que ça se réalise, chose qu'un certain nombre de gens connaissent. Alors, disons-le, sur un plan musical, il y a une certaine condescendance dans le monde des initiés envers cette pièce. Non, je dirais pas qu'il y a une condescendance, mais il y a au fond ce que dit Ravel lui-même. Il dit très clairement que c'est pas une œuvre très importante. Vous savez, quand vous citez ce qu'il me dit dans l'interview, c'est en fait une phrase que j'ai reprise dans une lettre qu'il dit à un de ses amis, où il dit les kiosques à musique ne le mettront pas à leur programme, parce que il a bien le sentiment que c'est une œuvre expérimentale, et une œuvre expérimentale qui, à mon avis, rejoint quelque chose de sa biographie personnelle. Il faut pas oublier que son père était ingénieur dans les chemins de fer et dans l'automobile, c'est-à-dire qu'il avait la passion de construire quelque chose. Et là, c'est une construction, le boléro. Et cette construction est pour lui la satisfaction de la réalisation de quelque chose qui est parfaitement bien monté, mais ça n'exprime rien. J'adore les invités qui font eux-mêmes les transitions. Vous aurez que ça, c'est le luxe suprême. Je me sens presque en vacances. Alors effectivement, un père ingénieur, une mère très présente qui va le couver, le chouchouter, ce petit Maurice, en fait. Il a baigné dans une sorte d'océan d'amour et de facilité pendant son enfance, comme un certain nombre de grands créateurs. D'ailleurs, c'est une des explications du génie, peut-être, oui. Parfois. Oui, une des, je dis bien, parce qu'il y a un contre-exemple aussi. Il y en a d'autres. Oui. Beethoven est un contre-exemple absolu, lui. Mais c'est vrai qu'il est porté par cette mère. On comprend que ça soit la mère, puisque le père travaille, il travaille beaucoup. Donc il est, on l'imagine, beaucoup absent de la maison. Elle a une vraie sensibilité qu'elle va transmettre à son fils. Et cette sensibilité, elle va aider aussi à son développement dans la musique, puisqu'elle le met au piano. Vous savez que c'est en général les parents qui mettent les enfants à un instrument. Et ensuite, elle va lui faciliter absolument la vie jusqu'à son entrée au conservatoire. Voilà. Et donc là, au conservatoire, il a cet attachement profond, évidemment. En plus, il a de bons profs, ça tombe bien. Il a deux bons professeurs. D'abord, il a un professeur dont le nom est moins connu, qui s'appelle Charles de Berriot. Mais Charles de Berriot, c'était le mari de la Malibran, la fameuse Malibran, ouais. La calasse du 19e siècle. Grande cantatrice du temps. Mais qui était espagnole. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le nom ne le fait pas croire, mais elle s'appelait en fait Maria Felicia Garcia. Donc, un rapport premier à l'Espagne. Et puis ensuite, vous l'avez dit, Gabriel Fauré. C'est quand même pas rien. Est-ce qu'on arrive à identifier ce que Fauré a transmis à Ravel? Oui, le goût de la clarté. C'est spécifique d'ailleurs de la musique française, mais du menuet antique à sa sonate pour violon, par exemple, il y a une clarté, ce qui différencie vraiment la musique française de la musique allemande, puisque à l'époque, la musique allemande est numéro un, si j'ose dire, mais cette musique allemande, elle est justement très, très lourdement orchestrée. Or, les Français aiment la clarté, et ça, Fauré en a profondément transmis le style à Ravel. J'ai parlé tout à l'heure d'originalité. Est-ce que oui. Monsieur Ravel est un original? Oui, quelqu'un d'original parce que il compose pas finalement énormément. Quand on songe 86 œuvres en vivant jusqu'à 62 ans, Mozart en vivant 35 ans, on compose 626. Donc vous voyez la différence. Mais chaque œuvre a au fond une différence par rapport à la précédente. C'est-à-dire qu'il ne répète jamais. Il n'utilise pas une recette, il crée des choses très différentes. Vous avez cité la pavane pour une infante défunte, qui est dans ses premières œuvres, une chose parfaitement réalisée, subtile, et qui a un vrai rapport à un poète qu'il aime beaucoup, et ce n'est pas un hasard. Mallarmé, c'est-à-dire un poète pour lequel la forme compte. Et ça, c'est très important. Et puis ensuite, vous avez cité, évidemment, Gaspard de la Nuit. Il y a encore deux autres œuvres qui sont pour moi fondamentales. La valse, qui est peut-être l'œuvre la plus originale de Ravel, et le concerto en sol, bien sûr. avec cette espèce de limpidité, bien entendu, hein, dans la composition pianistique, en fait. Hein, c'est, bah, ce qu'on a l'impression que ça coule. Qu'on entend déjà dans une œuvre qui s'appelle Les Jeux d'eau, qui lui donnera la première fois son surnom d'impressionniste, comme était le surnom de Debussy. Alors, un enfant heureux, un étudiant original, certes, mais quel genre de personnage est-il ? D'abord, quelle est son apparence ? Il faut peut-être préciser ça. Je l'ai rencontré. Mais voilà, vous êtes mieux placé que quiconque, en fait. Non, mais plus sérieusement, on sait effectivement que c'est un dandy. Il s'habille avec un soin tout à fait étonnant. Méticuleux, oui. Méticuleux, comme tout est méticuleux. Et d'ailleurs, quand on va dans cette maison de Montfort-l'Amaury que vous avez citée, on se rend compte que tout est parfaitement tiré au cordeau, propre en ordre, comme disent les Suisses. Et il y a ça chez lui, c'est-à-dire une volonté d'une apparence qui soit absolument parfaite, avec un accord des couleurs, des pantalons jaunes, avec la cravate assortie. Enfin, il y a vraiment ce côté dandy. Mais ce côté dandy est, à mon avis, un masque, parce que il y a, au fond, un grand mystère chez Ravel, c'est qu'on ne connaît pratiquement rien de sa vie privée intime. Oui. Il en a sans doute, mais en tout cas, on ne la connaît pas. Rien, oui. Et on sait qu'il n'a, en tout cas, vous savez, on a beaucoup de témoignages sur lui, jamais aucune liaison n'est avérée, ni féminine, ni masculine. On a beaucoup dit qu'il était homosexuel, quand même. L'a dit parce qu'il avait un grand attachement pour sa mère, et c'est depuis oui, Freud, voilà, c'est ça, une oui. sorte de répétition qu'on fait, ceux qui aiment leur mère sont homosexuels. Mais c'est vrai qu'on est dans le mystère total, on est dans le flou de ce point de vue. On lui connaît aucune liaison, et lui-même, et d'ailleurs je lui pose la question, parce que ça m'étonne, il me dit... Comme il dit dans un certain nombre de lettres qui m'ont servi évidemment pour écrire ces interviews exclusives, il me dit « mais j'ai des amis ». Et il cite un certain nombre d'amis féminines. Mais ses amis restent au seuil de la chambre à coucher. Voilà, c'est ça, ça reste totalement platonique. Totalement. Alors, je tiens quand même à préciser à nos auditeurs que vous ne vous êtes pas contenté, Alain Duo, d'aller troubler les heures de composition de Monsieur Ravel, puisque vous avez rencontré également Puccini, Mahler, Tchaïkovski, Léo Delibes, et Johann Strauss, et Bizet, Offenbach, Elitz et Wagner, Berlioz, Verdi, Schumann, Chopin, Schubert, Rossini. Vous avez pu voir Mozart, ça n'a pas été très facile, mais vous avez pu le voir. Handel, même Vivaldi et Bach ont fait partie de ceux qui n'ont pu échapper à votre... Deux siècles d'investigation. Extraordinaire, ça s'appelle De Bach à Ravel, 20 interviews exclusives d'Alain Duo. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Défunte signé Maurice Ravel, et le compositeur est à l'honneur jusqu'à 15h avec vous, Franck Ferrand, et votre invité. Avec un très grand sens mélodique pour faire mentir les deux spécialistes que j'ai tout à l'heure cités, Alain Duo. Là, on est vraiment dans l'envoûtement mélodique même. Oui, ça, véritablement, la pavane pour une infante défunte, c'est sans doute justement uniquement un ruban mélodique. C'est le contraire du boléro. C'est ça. Boléro, c'est purement rythmique. On a eu les deux extrêmes. Et la pavane, c'est purement mélodique. Mais c'est une merveille. C'est une sorte de caresse sonore qui rentre par les oreilles et qui va jusqu'au cœur. Ah oui, c'est assez troublant, effectivement. Et c'est précoce. Ça vient tôt dans l'œuvre. C'est tout à fait précoce. Et ça, c'est vraiment le lien avec Mallarmé dont je vous parlais tout à l'heure. Alors voilà, oui, c'est ça. D'ailleurs, ne serait-ce que dans le titre. Le titre, il dit lui-même, j'ai choisi ces mots pour faire un jeu d'allitération. Mais c'est typiquement un titre qui est Mallarmé. Je disais qu'il avait créé les indépendants en musique. Il y a quelque chose d'impressionniste dans sa musique, en quelque sorte. Ce n'est pas un mystère, d'ailleurs. Non, pas du tout, mais on l'a beaucoup catalogué parmi les musiciens impressionnistes avec Debussy. Et c'était, à l'époque, quelque chose qui voulait dire on est moderne. Mmh. La modernité, c'était l'impressionnisme. La sonate de Vinteuil chez Proust. Hein, bien sûr, dans voilà. Dans cet univers-là. Ça, oui, cette fameuse sonate de Vinteuil qui peut avoir... Plusieurs origines. Ça. Alors, on a parlé du caractère quasi aquatique de cette écriture. Une pr- prédominance du piano, bien entendu. Parce qu'il était pianiste et très bon pianiste. Un goût du rythme très prononcé, une originalité dans l'inspiration et dans la composition. Si on devait retenir, au-delà, parce que là, j'ai tout simplement passé des extraits des deux œuvres les plus célèbres mondialement. Mais quelles sont les plus grandes œuvres, à vos yeux ou à vos oreilles, de Ravel ? À mon avis, il y en a trois. Que vous avez cité, toutes les trois, qui sont à trois moments différents de l'œuvre de Ravel. 1909, Gaspard de la Nuit, un triptyque pianistique tout à fait extraordinaire qui se termine, donc inspiré par des poèmes, encore une fois le rapport à la littérature, des poèmes d'Aloysius Bertrand, et qui se termine par une dernière pièce qui s'appelle Scarbo, qui est une pièce tout à fait étonnante, sardonique, grimaçante, mais extrêmement difficile à jouer par ailleurs, dont sans doute Samson François a donné la plus belle interprétation au monde. Ça, c'est vraiment le premier grand chef-d'œuvre. Rencontre. Voilà. Deuxième grand chef-d'œuvre, à mon avis, c'est la valse. La valse en 1920, parce que là, cette valse, elle exprime quelque chose au-delà de la séduction sonore. Il prend un thème d'une valse de Strauss, mais on est en 1920, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, et on est dans un monde qui a basculé. Et cette valse de Ravel, c'est justement, dans son côté vénéneux, l'image sonore de ce basculement. C'est-à-dire que à l'intérieur de cette valse, eh bien, tout se déchire petit à petit, tout se défait, tout se décompose comme un monde se décompose. Le monde de l'Autriche-Hongrie, le monde des Habsbourg que vous connaissez bien et qui était représenté par les valses de Strauss, et puis ce monde fracturé par la Première Guerre mondiale et qui va déboucher sur le surréalisme et toutes ces visions justement surréalistes, ces visions sardoniques, vénéneuses qui traversent la valse et qui en font quelque chose qui produit comme une sorte de malaise, eh bien sont l'explicitation par la musique de ce moment que vit Ravel au milieu de la culture de ce début du XXe siècle. Et enfin, la troisième œuvre, je dirais, il y en a deux. Ce sont les deux concertos qu'il compose concomitamment. Concerto pour la main gauche. Il faut rappeler qu'il a été composé pour un pianiste, Paul Wittgenstein, qui a perdu sa main droite, son bras droit pendant la guerre mondiale. Donc là, on est encore dans l'écho de la guerre. Là, c'est extraordinaire. On est même dans une sorte de symbole des meurtrissures de la Grande Guerre. Et puis l'autre, le concerto en sol, qui a ce double avantage d'être à la fois, par son deuxième mouvement, qui est le cœur émotionnel de l'œuvre, une méditation qui est sans doute la seule véritable méditation spirituelle de Ravel, et en même temps, par le premier et le troisième mouvement, un hommage à cette musique nouvelle qu'il a découverte en Amérique lors de la grande tournée américaine, c'est-à-dire l'arrivée du jazz. Et voilà, on est Gershwin, etc. Il a rencontré Gershwin. Cet esprit-là. Gershwin, d'ailleurs, s'il y a une chose très amusante, Gershwin lui a demandé des leçons, et Ravel lui a dit, avec ce que vous savez et ce que vous vendez, c'est moi qui devrais vous demander des leçons. Il y avait toujours cette dimension, vous vendez combien hein. Exactement. Il avait toujours ça à l'esprit, Ravel. Enfin, c'est ce que j'ai souvent entendu dire, hein, mais c'est vrai ça, oui. Bon, mais on peut être un très grand génie et avoir un œil sur le tiroir caisse. C'était le cas de Pierre Corneille, par exemple, dans le monde des lettres. Alors voilà justement quelques notes du concerto en sol, rapportées, si l'on peut dire, des États-Unis. Sublime concerto en sol de Maurice Ravel, qui ne peuvent pas ne pas faire penser à un Américain à Paris, à Rhapsody in Blue, etc. Je dirais pas jusqu'au plagiat, mais enfin, il y a une forte inspiration. C'est vrai, mais il vient de rencontrer, 3 ans avant, il vient de rencontrer Gershwin. Donc, il y a quand même, j'imagine que Gershwin lui a joué un certain nombre de ses thèmes, et il y a quelque chose qui vient, mais il y a bien sûr Gershwin. Il y a aussi un hommage à Mozart. On entend dans la manière dont est traité le piano, la grande passion que Ravel a toujours eue pour Mozart, et on se souvient du concerto numéro 21, celui qu'on appelle le concerto Elvira Madigan, parce qu'il a servi entre autres comme musique au film Elvira Madigan. Donc il y a au fond quelque chose de testamentaire dans cette œuvre où il réunit tout ce qui a été le matériau de sa vie de ces 10 ou 12 dernières années. Avec toujours peut-être à travers le spectre d'une mère basque, cet horizon espagnol finalement qui aura... Mère basque d'origine espagnole. D'origine espagnole, hein, oui, il faut préciser. Donc c'est beaucoup de choses. Mais vous savez, en plus, l'Espagne est à la mode à l'époque. L'Espagne, c'est l'exotisme absolu. On a eu, l'année de sa naissance, en 1875, Carmen. On va avoir quelques années après Espagna de Chabrier. Il va composer une rhapsodie espagnole, mais il va y avoir aussi toute l'arrivée des musiciens espagnols à Paris. Albéniz de Falla, Granados. Il y a ce pianiste qui est un pianiste espagnol et qui est au cœur de la vie musicale parisienne, Ricardo Vignès. Donc l'Espagne, c'est véritablement ce qui donne la couleur de l'époque. On peut dire que Maurice Ravel aura été... Enfin, je ne sais pas si on peut le dire. Moi, j'avais envie de le dire et Alain Duhaut va nous dire si j'ai raison. Que Maurice Ravel aura été le dernier compositeur grand public de la musique classique, en quelque sorte. À partir de là, ça devient quand même un peu plus difficile. Jusqu'à Ravel, on écoute ça avec plaisir et c'est directement accessible. Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. Hein, mais... Oui, je pense qu'on peut le dire. Je dirais peut-être qu'il y en a un qui déborde, c'est Poulenc. Ah oui, c'est vrai. Francis Poulenc qui va vivre encore 20 ans de plus. Mais c'est vrai que Ravel clôt une certaine histoire de la musique pour le grand public et d'une certaine façon, il est aussi la fin d'un monde, la fin de ce monde du 19e, la fin du romantisme et l'ouverture à quelque chose qui est un monde beaucoup plus difficile et beaucoup plus torturé. Et au fond, ces tourments du 20e siècle vont ressortir dans une musique beaucoup plus tourmentée, mais qui va peu à peu se couper du grand public. Est-ce qu'il a des continuateurs? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des disciples de Ravel? À mon sens, non. Je pense qu'il n'a d'ailleurs, au fond, rien avant, rien après. C'est son originalité, ce que vous avez souligné. Et je pense que ça, c'est véritablement le cœur même de Ravel. Quelqu'un qui a su prendre, mais transformer complètement ce qui était avant lui, mais qui lui aura donné une telle originalité qu'on ne peut plus rien après. On ne peut pas refaire une valse, on ne peut pas refaire un boléro. Il y a quelque chose, au fond, qui s'achève avec lui. Et ça correspond assez à ce qu'on sait du personnage. Un personnage totalement clos, peut-être clos sur lui-même aussi, puisqu'on en a parlé pour sa vie privée, mais qui ne donne pas la possibilité d'un prolongement affectif. Et non, voilà, c'est ça. Et pour cause, c'est un peu tout pont coupé d'une certaine manière. Exactement. Vous lui posez la question, vous dites aujourd'hui à 55 ans, vous êtes au fait de votre gloire, vous avez de nombreux amis et quelques ennemis, toutes vos œuvres sont jouées et reprises régulièrement, votre catalogue d'une centaine d'œuvres a touché à tous les genres, vous vivez ici confortablement, donc à Montfort-l'Amaury, que désirez-vous encore? Il vous répond... À vrai dire, je n'ai rien écrit, je ne laisse rien, je n'ai rien dit de ce que je voulais dire. J'ai composé il y a bien longtemps, j'avais 20 ans, une mélodie sur un poème de Verlaine, Un grand sommeil noir, qu'on n'entend jamais car je ne l'ai pas publié. Je voudrais simplement vous lire le poème de Verlaine, et il vous l'a dit, vous l'avez entendu vous Alain Duhaut, oui. Un grand sommeil noir tombe sur ma vie, dormez tout espoir, dormez toute envie, je ne vois plus rien. Je perds la mémoire, du mal et du bien, oh la triste histoire, je suis un berceau qu'une main balance au creux d'un caveau, silence, silence. C'est quand même d'une gaieté modérée. Le silence comme contrepoint à toutes Exactement. Ces notes, à toute cette musique, à cette espèce d'énergie qui sortait aussi. Mais cette énergie, c'était un peu l'énergie du désespoir. Je crois que Ravel avait quelque chose au fond qui battait à l'intérieur de lui et qui était un vide contre lequel il voulait se prémunir et il s'est jeté dans la musique pour ne pas mourir. Alors pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, je précise quand même qu'Alain Duhaut n'a pas véritablement rencontré Ravel, sinon en rêve. Parce que sinon on va nous dire, mais alors il est bien plus âgé que je ne croyais. De Bach à Ravel, 20 interviews exclusives, ce sont des interviews imaginaires. Imaginaires, en fait, bien sûr, mais constituées à partir des documents, c'est-à-dire essentiellement des correspondances, puisque... De Bach à Ravel, on s'envoyait pas des SMS, on se téléphonait pas, on s'écrivait des lettres, heureusement pour nous. Et quand vous l'avez rencontré dans vos pérégrinations littéraires et épistolaires, vous ne saviez pas qu'il allait avoir cet accident et qu'il allait finir Évidemment, de façon bien triste, il faut dire. Cet accident de taxi et ensuite cette maladie dégénérative du cerveau qui va le conduire à une perte de la motricité, perte du langage, et en fait, une espèce de disparition. Il disparaît, comme dans ce poème, dans ce silence, puisqu'il ne peut plus parler, il ne peut plus bouger, et il va mourir. Des suites, on tente une opération in extremis, on croit qu'elle va marcher, il se réveille, puis il retombe dans le coma, et il meurt 3 jours après. Comment sa mort a-t-elle été accueillie à l'époque? Est-ce que ça a été un événement, la mort de Maurice Ravel? Aujourd'hui, on a l'impression que ça va faire la une des journaux. Oui, mais on est en 1937. Et vous savez qu'on est donc dans l'écho du Front Populaire et dans l'approche de la guerre. Donc, bien sûr, dans les milieux culturels, ça a été un grand choc. Mais un choc qui avait été préparé parce qu'on savait l'état dans lequel il était. Mais je dirais que l'actualité était à ce moment-là très chaude et un peu plus forte, et malheureusement, vous savez, il y a des compositeurs comme ça qui n'ont pas eu de chance. Il y en a un autre qui est Prokofiev, qui est mort le même jour que Staline. Ça, oui. Donc évidemment, on ne s'est pas rendu compte que Prokofiev était mort. Le même jour que son ennemi, là, voilà. On peut dire. D'ailleurs, je disais que Ravel était le dernier grand compositeur au sens classique. Ouais. C'est vrai qu'il faut. Je parlais des Français, bien entendu, parce qu'on en a eu quelques-uns. Prokofiev. Prokofiev, par exemple. Prokofiev, donc, ne meurt, lui, qu'en 1953. Hein. 53, le même jour que Staline. Le même jour que Staline. Merci beaucoup, Alain Duhaut. De Bach à Ravel, 20 interviews exclusives, c'est édité chez Plon. Et je vous propose, évidemment, de nous quitter sur quelques mesures de plus en plus obsédantes du terrible, de l'inoxydable Boléro. Christophe nous écrit du Brésil, figurez-vous. Il dit « Je vis au Brésil depuis 4 ans et j'écoute tous les jours au cœur de l'histoire. » Merci beaucoup Jean-Christophe. Aujourd'hui, j'écoute votre émission sur Maurice Ravel. Je tenais à vous indiquer que dans la ville de Jean Passant, au nord du Brésil, je pense dans l'état de Pernambuco, nous dit-il, il y a une personne qui joue tous les jours à 17h sur une barque le Boléro de Ravel et qui attire beaucoup de personnes. Je pense que ça fait plus de 10 ans que le Boléro est ainsi joué tous les jours, nous dit Jean-Christophe. Vous voyez, quand je vous dis que c'est une gloire planétaire que celle de Ravel. Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous dévoile les origines de l'expression « passer l'arme à gauche ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une question de Séverine via la page Facebook de l'émission. Bonjour Franck, pourriez-vous revenir sur l'origine de l'expression « passer l'arme à gauche » ? Alors là, c'est bien un retour non pas à l'origine, mais aux origines, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Bon, la plus normale, à mon avis, la plus évidente, c'est qu'au moment des funérailles militaires, les soldats passent leur arme sur le côté gauche, le canon vers le bas en signe de deuil. Donc « passer l'arme à gauche », c'est signifier une mort, tout simplement. Bon. Mais il y a bien d'autres possibilités. On dit notamment qu'à l'époque napoléonienne, les soldats devaient recharger leur fusil en arrachant une cartouche qui contenait la balle, ce qui impliquait de prendre le fusil avec la main gauche. À ce moment-là, si on se redressait, on était susceptible de se faire toucher par l'ennemi. Bon, entre nous soit dit, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. En escrime, passer l'arme à gauche, c'est synonyme d'arracher l'épée ou le sabre ou le fleuret, etc., de son adversaire. Donc de le laisser désarmé et potentiellement mort. D'ailleurs, si ce qui est intéressant, c'est que si vous entrez dans la linguistique et que vous décortiquez l'expression, vous vous rendrez compte que passé, ça rappelle le mot trépassé, l'arme est liée à la mort par sa fonction, et à gauche, ça vient du latin sinister, hein, qui a donné le mot sinistre et qui présage les malheurs. Donc, passé l'arme à gauche, c'est une expression qui est funèbre, j'ai envie de dire quasiment dans son ontologie, essentiellement. Bon, alors, il y a même des gens qui vont vous dire que c'est encore bien plus vieux tout ça, que ça remonte à l'époque des attaques de châteaux forts, puisque la majorité des tours médiévales possédaient des escaliers qui tournaient dans le sens de nos aiguilles d'une montre, si vous voulez, avec un pilier central. L'assaillant, lorsqu'il était dans la forteresse, ne pouvait donc pas brandir son arme. Il était obligé de passer l'arme dans la main gauche pour continuer, et un défenseur de la cité l'attendait à un endroit ou un autre de l'escalier, et à ce moment-là, lui pouvait garder son arme dans la main droite, ce qui veut dire que la défaite pour l'assaillant était quasiment certaine. Bon, on va peut-être s'en tenir là, parce que des explications du même genre, je pourrais vous en servir un certain nombre. Il me semble que la plus évidente, celle qu'on aura tendance à vouloir garder, c'est celle des funérailles militaires et de cette manœuvre en signe de respect qui consiste à passer précisément l'arme que l'on tient de la main droite à la main gauche et bien entendu le canon vers le bas.